Noël approchait. Mon épouse et moi-même avions décidé de répondre à l'invitation de l'un de nos fils et d'aller réveillonner chez lui. La symbolique de l'événement excita mon imagination et, fermant les yeux, je me retrouvais en 1944. Cette année-là, j'avais 5 ans. Il avait beaucoup neigé la veille du grand soir et la grille du portail de la distillerie Cise face au logis de ma grand-mère avait pris une teinte immaculée. Les arbres figés dormaient profondément. La nature hibernait. C'était l'après-midi. Les enfants du voisinage jouaient au dehors, construisant des bonhommes et s'expédiant des boules givrées avec plus ou moins d'adresse. Les adultes, eux, préparaient le réveillon. J'aurais bien voulu me mêler au jeu des bambins, mais à chacune de mes tentatives, le froid engourdissait mes doigts et je retournais me réchauffer près de la cuisinière à charbon. Après plusieurs échecs, je décidai de rester calfeutré et me mis à observer mon aïeul qui, telle une fourmi, vaquait à ses occupations domestiques. Elle était en train de farcir une dinde, et je me suis d'ailleurs demandé depuis lors comment, en cette époque de disette, elle avait bien pu se la procurer. Mon oncle, lui, garnissait de crème anglaise de petits choux appétissants et me permettait de temps en temps de lécher le fond de la casserole. C'était un délice, et j'ai d'ailleurs gardé jusqu'à aujourd'hui un penchant marqué pour cette saveur. L'après-midi passa très vite. Nous étions au solstice d'hiver, la nuit tomba, ma grand-mère alluma la lampe à pétrole afin d'économiser l'électricité et commença à disposer le couvert pour le réveillon. L'occasion était belle de réunir la famille et de laisser en sommeil les velléités de désaccord qui peuvent opposer les uns aux autres. Petit à petit, les convives arrivèrent. D'abord, ma tante Marcel, dont le mari était prisonnier en Allemagne. Elle entra, suivie de ma cousine Aline et de mon cousin Simon, pour lequel j'avais une profonde admiration. Il avait 7 ans de plus que moi et représentait le grand frère que je n'avais pas. Puis ce fut au tour de ma tante Delphine, la femme du pâtissier, que j'aimais bien, parce qu'elle m'offrait très souvent des cadeaux. Mes parents apparurent presque en même temps et se débarrassèrent très rapidement de leur manteau, faisant remarquer au passage le grand écart de température entre dehors et dedans. Je posai alors la question de savoir comment le Père Noël, dans une telle atmosphère glacée, allait-il pouvoir assurer son service. Les adultes sourirent et me répondirent que le brave homme n'avait jamais froid parce qu'il transportait des braseros dans ses bottes rouges. Il ne manquait plus à l'appel que mon oncle Albert, célibataire endurci, qui, comme à l'accoutumée, serait inévitablement en retard. Le pâtissier qui s'appelait Rémy commença à ouvrir les huîtres. Mon père, lui, prépara l'apéritif, une sorte de pastis maison pour les messieurs, une liqueur plus douce pour les dames. À ce moment, la porte s'ouvrit brusquement et Albert apparut dans son embrasure. Il souriait bêtement et avait déjà dû fêter Noël avec quelques copains. J'avais depuis midi disposé mes chaussures au pied de la cheminée et j'espérais y trouver au matin du jour J le camion bleu repéré dans la vitrine d'un magasin. Je souhaitais également, mais sans trop y croire, que l'on me permettrait de veiller le plus longtemps possible et qu'ainsi j'apercevrais peut-être l'être mythique que personne n'avait jamais vu. Chacun prit place autour de la table. J'étais assis entre Aline et Simon. Les conversations mêlées de plaisanteries qui me dépassaient fusèrent de tous côtés. Une ambiance festive s'installa très rapidement. À ce propos, je remarquai que pour la fête des enfants, c'était les adultes qui s'amusaient. Le tic-tac de l'horloge égrenait le déroulement du temps et bientôt j'entendis la phrase couperet, crainte depuis le début de la soirée. Il est l'heure d'aller au lit. Mon père avait parlé et inutile de contester une décision parentale. À l'époque, le mot contester n'avait sa place que dans le dictionnaire. Ma grand-mère se chargea de m'assister lors de mon coucher dans l'une des chambres qui se trouvait à l'étage. Elle redescendit ensuite pour continuer à participer aux agapes. Le bruit de la fête, l'excitation de l'événement, le mystère savamment entretenu par mes parents m'empêchèrent de trouver un sommeil que de toute façon je n'avais pas envie de rencontrer. La nuit, aussi courte fut-elle, me parut interminable. J'entendais les cris et chansons du rez-de-chaussée et pour tuer le temps, me mis à observer le plafonnier de ma chambre qui scintillait sous l'effet d'un rayon de lune entré subrepticement par une petite lucarne. Progressivement, le silence s'installa et j'aperçus bientôt ma grand-mère venue s'étendre sur un lit proche du mien. Besogneuse comme de coutume, elle ne tarda pas à se relever et j'en profitai pour marquer mon impatience à descendre l'escalier dans le but de voir si le distributeur de cadeaux était véritablement passé. Arrivé au bas des marches, je découvris émerveillé le camion bleu qui trônait au beau milieu de friandises de toutes sortes. Mes parents, cachés derrière un rideau, ne perdaient rien du spectacle et se réjouissaient du bonheur qu'il me procurait par Père Noël interposé. Une enveloppe, bien à l'évidence, et sur laquelle était inscrit mon prénom, se trouvait disposée parmi les douceurs et jouets. Mon père l'ouvrit. Je ne savais pas encore lire. Et lut. « Venu de la grande ours, porté par une étoile, je t'offre pour cadeau ce beau camion bleu, signé Père Noël. » J'ai longtemps conservé ce courrier de Noël, et puis je l'ai perdu, mais gardé en mémoire. La matinée se déroula dans une ambiance festive. Le soleil hivernal avait succédé au temps plombé de la veille. J'en profitais pour gagner l'extérieur et jouer dans la neige avec mon nouveau véhicule. Vers midi, tous les convives rentrés chez eux pour un temps de récupération revinrent chez ma grand-mère pour finir les restes. La prolongation du réveillon débuta timidement, puis le vin faisant son effet, les chansons prirent le pas sur les conversations. Mon père entonna les blés d'or. Hélas, je ne me souviens d'aucune parole, mais par contre, je le vois encore prendre des pauses comme s'il se produisait à l'opéra. Au milieu de l'après-midi, ma mère déclara subitement « Et si nous allions à la villa Jeanne ?» Villa inoccupée alors et dans laquelle j'ai vécu entre 5 et 22 ans, rénovée depuis 2001, voir si par hasard le Père Noël n'y serait pas passé. Accompagné de mes cousins, tantes, oncles, parents et grand-mères, je pris la direction de la villa, distante d'environ 1 kilomètre. En cours de route, mes cousins prétendaient sans cesse apercevoir le Père Noël, tantôt caché derrière une haie, tantôt à la cime d'un arbre, tantôt recroquevillé derrière moi. J'essayais en vain de le voir à mon tour, mais en pure perte, et je vitupérais devant son invisibilité. Enfin, nous arrivâmes devant le portail, si à 3 marches d'escalier du niveau du chemin, non encore goudronné. Il grinça sous la poussée de mon père, s'ouvrit lentement, nous permettant ainsi d'accéder à la porte d'entrée, située à quelques mètres de là. Ma mère fit jouer la clé dans la serrure et fonctionner le pêne, tourna la poignée et se retira pour me laisser l'honneur d'entrer le premier. Au beau milieu de la cuisine, trônait un train mécanique composé d'une locomotive et de 3 wagons rouges et noirs, le tout disposé sur des rails dont la trajectoire était circulaire. Mon étonnement fut intense, car contrairement au camion bleu, je ne m'attendais nullement à une telle surprise. Près de ce petit bijou, bien en vue, il y avait une enveloppe qui m'était destinée. Ma mère s'en empara, l'ouvrit et lut, venu de la grande ours, porté par une étoile, je t'offre pour cadeau ce beau train mécanique. » Mon rêve éveillé fut brusquement interrompu par la sonnerie du téléphone. Je rouvris les yeux et me retrouvai en 2004. Entre Noël et le jour de l'an de cette année-là, je me rendis à Montpellier pour vérifier si tout était en ordre dans la Villa Jeanne. Je grimpai les trois marches dont j'ai déjà parlé, ouvris le portail, parcourus les quelques mètres qui me séparaient de la porte d'entrée, introduisis la clé dans la serrure, fis jouer le pin et ouvris. Alors, mes yeux s'écarquillèrent et je me pinçai pour m'assurer que je ne rêvais plus, car là, devant moi, posé à même le sol, au même endroit que 60 ans auparavant, il y avait le train mécanique rouge et noir, accompagné d'un mot rédigé avec la même écriture, venu de la grande ours portée par une étoile, je t'offre pour cadeau ce beau train mécanique. Qui donc a dit que le Père Noël n'existait pas ?